akalae. Yeah. kalange ku pesa munu mbongo e mutabaka yo mama mama modi e yanga e mama elamba modi e yanga e mama elamba modi e yanga e mama mabuta samba yo yo mama e mama mabuta samba yo yo mama e mama elamba modi yo. What? nini osala ngai boye mama mama bumu bongo na ngai ekomi paradiso balingo na yo molema mwanga motoni solo na mawa Chanter la rose de notre amour. Gonga et petit, à quoi ça fait la bonne bonne amie? Et c'est moi la baba, l'ibassin, ma baba, qu'on la baie, maman. Et les mariés, car les royaumes de c'est à eux. Et les mariés, car les royaumes de c'est à eux. Merci banka bo mini bala ya na na na kukuwe voiture ezali manzanza manzanza ya bamba ay bolingo ya bana na bana bakota kate ezali mabe poti kanali ezali mbala liboso poti kanali ngano kite boko me mangambo ya ben mateta bala koma ye la kosa kabani ngabaye Nanzando basso sans pese à tout la cate. Telle mère, telle fille, belle bonne français. Merci, banca, bon mini bala. Y'a la nana koukoué. Voiture, zali, manzanda, manzanda, y'a bamba. Aïe, boni, moya, banana, banana, kota kate, zali, mande. Boti kanali, zali, mbala, liboso. Boti kanali, nano kite, boba, me mama. Direct du studio Popongo Scoopista Coco à la cabine technique Sola Beningana Lela Abias Yatu Aye Sola Beningana Lela Abias Yatu Aye Santa Maria e Mama na Yesu Goya Santa Maria e Mama na Yesu Goya Sambele la biso Abias Yatu Aye Et ça, c'est la véritable victoire principale en direct du studio Popongo. 8 pistes. Coco, la cabine technique. Robert Lorango, Zizi le Parisien. Juanluca. Robert Lorango, Zizi le Parisien. Rototo, rototo, Zalouka. L'euphorie a joyé. Oh, c'est les... Adonna Sis, Rasta Monga. Wikilo, la main d'or, s'il vous plaît. Salo Chaching, la matete. Dikisha, Rico Pala. Petit Julien, direct de Paris. Aye, Nauti Boy. Yeah, Nauti Kuna. Ando, yeah. A Velona, e Bongo Velona, ye, e Kasi Kende, Alingite, Kendeko, Alingite, Kendina yo, Alingite, Tentere, Makola Soso, Makola Soso, Tentere, Makola Soso, Tentere, Makola Soso. Et quand on danse, on se présente. Miradora, est-ce que vous êtes coyoka? La caille poto na kozonga. Une véritable victoire principale rénovée. Koé. Bonne balélie.